tête pour un coup de traître, un regard oblique ou un coup de presse. Bref, t'es obligé. Les poches vides, le regard vif et plein de fils. On m'a dit fils, dépêche-toi de mourir ou dépêche-toi de vivre. Je suis qu'un mec de quartier avec ce que ça implique de code et de principe. Les morts sont là pour nous rappeler que personne n'est invincible. La street nous apprend à désobéir aux ordres et à nous battre en nous expliquant que le sang c'est la sueur des vrais hommes. On applique la règle des 3D, discipline, détermination et débrouille pour être riche avant 30 piges. L'ambition c'est pas avec la vengeance, jamais rassasié. On peut maîtriser le cœur et la queue, mais pas votre vie. Un seul coup, on va pas se raconter nos vies. Si les fans tels sont sur écoute, on sera plus utile au nôtre dehors plutôt que sous écrou. Pas encore tour autour du cou, mais les couilles dans le froc pour le trou. Si on veut paraître trop cool, c'est qu'on prépare un gros coup. La vie c'est du full contact, pas de paillettes, pas de strass. Pas le temps pour les caprices de star. Lève tôt et couche tard, maîtrise l'art, tu privises l'art. Plutôt vivre comme des clochards, les frères préfèrent crever au bon chat. Je te dis que la vie c'est du full contact, pas de paillettes, pas de strass. Pas le temps pour les caprices de star. Lève tôt et couche tard, maîtrise l'art, tu privises l'art. Plutôt vivre comme des clochards, les frères préfèrent crever au bon chat. Chier. Fais ton buzz, mais garde du bif pour le baveux. Rien de plus facile pour un schlac que de se faire arracher des aveux. J'admire les frères qui restent droits comme une trajectoire bastos. L'haram il est plus simple de compter ses pesos que ses vraies sauces. Ici pas la notion d'amitié, manque de clarté. Tu le vois toute fois contre la mise à sec sans t'avoir doigté. On a de l'ancienneté dans la chienneté. Maintenant on veut du ralice à palper et baiser sans trop avoir à jacter. Je traite le rap comme n'importe quel autre marché. Ce qu'on fait c'est de marketer notre propre vie de quartier. On est des croyants qui se portent comme des athées, qui jurent sur le Coran qui vont se ranger. Mais qu'après avoir brassé, on se maintient par l'RMI, les Aztecs ou bien les salopes. Cherche à blanchir tes billets plutôt que l'épiderme, espèce de salope. Pas venu blesser mais tuer, t'inquiète je connais le mais chier. Le son sonne rue comme si vous y étiez chier, hein. La vie c'est du full contact, pas de paillettes, pas de strass. Pas le temps pour les caprices de star. Lève tôt et couche tard, maîtrise l'art, tu privises l'art. Plutôt vivre comme des clochards, les frères préfèrent crever au bon chat. Je te dis que la vie c'est du full contact, pas de paillettes, pas de strass. Pas le temps pour les caprices de star. Lève tôt et couche tard, maîtrise l'art, tu privises l'art. Plutôt vivre comme des clochards, les frères préfèrent crever au bon chat. Chier. Protège tes pas qu'on a le manche. Coup de tête balayette pour quelques plaques. Tu finis dans le coffre d'une voiture allemande. Mon argent c'est mon deuxième sang et je veux pas vivre sous perfusion. Qui voudra m'ouvrir les veines devra assumer mes pulsions. Celle-ci c'est pour les graines de dollars. J'ai la misère sème qui empêche que mes frères s'aiment et que mes frères cèdent. On ne meurt pas du ridicule mais d'une balle ou de la naïveté. La vérité sort de la bouche de l'enfoiré le mieux calibré. Les anciens finissent en cage ou dans le crack et le col hal. Tandis que les petits se glorifient de leur baptême carcéral. Gonflent pecs sur le terrain en croyant y devenir des rois. Est-ce qu'ils veulent faire de la mosquée quand ils font dawa? C'est la merde depuis que Sarkozy est passé. Perdant tout ça, tu sais c'est quoi? Les politiques font plus d'argent sale que les bucraveurs que je côtoie. Demande-moi pourquoi j'ai du mal à être courtois. Mais me demande pas d'avoir du respect pour un bled qui n'en a pas pour moi. La vie c'est du full contact, pas de paillettes, pas de strass. Pas le temps pour les caprices de star. Lève tôt et couche tard, maîtrise l'art, tu privises l'art. Plutôt vivre comme des clochards, les frères préfèrent crever au bon chat. Je te dis que la vie c'est du full contact, pas de paillettes, pas de strass. Pas le temps pour les caprices de star. Lève tôt et couche tard, maîtrise l'art, tu privises l'art. Plutôt vivre comme des clochards, les frères préfèrent crever au bon chat. Ok, la vie c'est du full contact, pas de paillettes, pas de strass. Pas le temps pour les caprices de star. Lève tôt et couche tard, maîtrise l'art, tu privises l'art. Plutôt vivre comme des clochards, les frères préfèrent crever au bon chat. Je te dis que la vie c'est du full contact, pas de paillettes, pas de strass. Pas le temps pour les caprices de star. Lève tôt et couche tard, maîtrise l'art, tu privises l'art. Plutôt vivre comme des clochards, les frères préfèrent crever au bon chat. Ok, plutôt crever au charbon que vivre comme des charclos. Fox Arco, dossier à la famille, 45, Salmon qui arconne la source, dans des permis, S1S.